que ma dame sur du sala. Le savoir est une arme fatale. Faut tous les chiffrer comme Fanta. Faut qu'il m'aide sur du panda. Panda, panda, panda. Panda, panda, panda. Panda, panda, panda. Panda, panda, panda. Panda, panda, panda. Panda, panda, panda. Panda, panda, panda. Est-ce que tu sais comment je m'appelle? Bang. Dans le carré, tu te caresses. Y'a mon carré dans le garage. Bijou 223 carats. Look in my yard comme un carry. Je contrôle ta ville. Tu nous as vu, t'as changé d'avis. On passe déjà ton trip à ton invite. Faut savoir nager pour accéder dans le navire. Panda, panda, Julie, Fatima, Fanta. On va te la faire si t'es trop fêtard. Sur la pelotage ou pas, je me dirige pas vers le comptoir. Pour qu'à faire des roues comme un compas. J'appelle la gloire mais elle répond pas. Broliqué, soldat. Oui depuis l'enfance on est sauvage. Attelé les dupés sur le sofa. Garde à vue notre échauffage. Batara gagne à mon rodé. Numéro 1, numéro 2. Hamdoula même si j'ai pas rodé. Je vais pas rodé, j'aime pas trop poireauté. On n'obtient pas le respect en hurlant. On n'accoste pas de chat en miaulant. Là je suis d'humeur spontanée, je vais tout baiser tanner la coca dans ton nez. Panda, panda, panda, panda, yaro, tombé. Ils sont dans le game mais ils ont même pas de manette. Le game c'est un jeu qui n'a pas de règles mais qui te fait saigner, t'as capté? Retiens mon blaze, pote. Panda, panda, panda, panda, panda. Le savoir est une arme, j'ai portable. J'ai pas commencé, ils abandonnent. J'ai tous les giflés comme quand t'as sur du panda. Panda, panda, panda, panda, panda, panda. Le savoir est une arme, j'ai portable. J'ai pas commencé, ils abandonnent. J'ai tous les giflés comme quand t'as sur du panda. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Le savoir est une arme, j'ai portable. J'ai pas commencé, ils abandonnent. Dans le carré, tu te caresses. Y'a mon carré dans le garage. Bijou 223 carats. Look in my yard comme un carry. Je contrôle ta vie. Tu nous as vu, t'as changé d'avis. On passe déjà ton truc, pas ton invite.